peu, je pète pas des clopes. Plutôt discret, je monte pas ma tête dans les clubs. Si j'ai des chances, j'ai fermé mon clapet. Tu m'appelles quand t'as des histoires, je suis pas Robocop. On bote la mer, je mange une crêpe. J'ai mis le scooter en crabe, j'ai fumé mon pétard en scred. Je sors de la grotte, tout crade, il fait gris, la barbe a poussé. Mon pote il vient de tomber en panne, on va devoir le pousser. Laisse-moi l'un de tout ça. Depuis que j'ai percé, j'ai plein de nouveaux cousins. C'est un truc de fou ça, hein. Là, je fume la cali poivrée. T'ont raconté des trucs sur moi, mais c'est peut-être pas vrai. Tiens, fais la puce, t'oublies mon frère, je suis navré. Vous m'avez fait gamberger, j'ai dans l'audi blanc nacré. Traîne pas avec n'importe qui, se dessine ton corps à la craie. Ils enquêtent fort, ils veulent ton ADN, la crime. Juste après la rafale, t'entends rupter le acra. Pourquoi faire le voyou si tu fais la pute juste après? S'il y a des gens qui deviennent bizarres, moi c'est pas ma faute. De quoi vous vous mêlez, les gars, c'est ma vie, c'est pas la vôtre. Puisqu'ils passent Noël en chien, pas de cadeau dans la boîte. La misère entre potes, la chienne t'es dans l'appart. Faut que je m'envoie la Bali, laisse-moi loin du barrio. Trop de gens me reconnaissent, je vis c'est la stache comme Mario. Sous-estime pas la crapule, sous-estime pas le paillot. Le petit c'est plus si c'est un gentil ou un sicario. J'ai l'esprit d'ailleurs, bro, plein de sales idées. Je suis déter, je vais faire le stade de France comme Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, je veux mourir sur scène comme Dalida. J'ai peut-être un peu mûri, mais j'ai pas changé ma mentalité. Je pense aux gens partis trop tôt, RIP. Pour tout ce qui m'arrive, je pense que moi je l'ai mérité. Je reste moi-même, donc je peux dire que des vérités. J'ai fait que du bien, donc du bien, moi j'ai irrité. Tu parles sur moi, gros, évite-moi, évite de nouer. Des couilles, s'il te plaît, évite de tenir, ouais. Crois pas si je t'aime bien, moi, je vais jusqu'au bout. On dirait comme un mille-œil, j'ai des douleurs jusqu'au dos. Tu sentais sur net, quand je t'ai vu, t'étais plutôt doux. Tu faisais comme si t'étais la famille, comme si t'étais mon poteau. Je mange des canistres et lits. Si t'es moche, tu sais que la molle est embellie. Dans les jambes, j'ai pas des années de tennis. Et je les regrette pas, moi, toutes ces années d'élite. C'est triste de se dire qu'il y en a qui vont canner, c'est libre. Que des jaloux, je vais partir à Cannes solo. Et même si je sais tout, moi, je dirais jamais c'est lui. Ils veulent passer devant, mais je suis rapide comme Joao Cancelo. Je fume la meuf Bambi, mais elle est loin l'époque du délim. Ça fait les mecs, ça tient l'alcool en tête, ça se lit des lignes. Ça voulait des alim, c'est pas ma faute si ça faisait des films. T'aimes bien quand elle a un gros cul, bombe qu'elle est fine. Je vis des fois, ça fait des poésies. Ils savent pas eux, ils croient que pour percer c'était trop easy. Au quartier, combien de fois le vendeur a fait courir le policier? Le sanctuaire, il a jobé dur, il va sortir un beau leasing. Sans voir la frappe, on dit merci Colissimo. T'as volé pour manger, ils veulent te coller 6 mois. Je fais des clés, je sais pas combien je regarde, même pas le sino. Je traîne pas avec l'ennemi, je vais pas te le répéter 6 fois. Ils font des débats sur moi comme s'ils me connaissaient. Après, quand je les vois en face, ils sont là, ils me font le signe. C'est pas les Sims, gros, je peux finir dans un parking Xu. À dire que j'aurais pu finir comme Park Jisung. On reste comme Zizou, sur le front un bisou, de la part d'un mec sort du zoo. Sous cake sherbet, en fumette je me suis pris un steak sherbet. Je pense au fils d'eux et là je reste perplexe. Et je me dis que c'est un coup à prendre perpète. Bienvenue dans les coulisses. Je pars à nous comme la nourrice. Même le petit maintenant il sait manier l'arme russe. Ça sert à rien de frapper comme tu es nourrice. Des fois dans ma douche je chante comme un choriste. Et des fois je tourne en scooter comme un touriste. On m'a dit qu'il y a des guetteurs cachés avec des vins de long riff. Je profite de ma vie comme je peux, tu as vu de tout ce que l'on prive. On cesse des choses mais nous on garde le silence. Et c'est qu'on t'aime bien si on va dans la confidence. C'est une évidence, ils sont heureux de nous voir malheureux. Pendant les conflits ils dansent. J'ai tout compris, pas besoin de récapituler. La télé ça rend fou, combien se font manipuler. J'ai jamais été du genre, ouais il est là, vas-y, ouais tu le. M'en voulu du mal, j'ai toujours eu confiance au bon Dieu.